إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc on commence aujourd'hui le cours 34 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha par le Cheikh Salih al-Fawzan et on est arrivé donc à l'explication des piliers l'explication des piliers de l'islam. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va expliquer? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le cinquième pilier. Parce qu'on a expliqué les six, on explique les six piliers. On a expliqué les quatre premiers piliers de la foi. Arkan al-Iman. Et là, on est rendu au cinquième. C'est al-Iman bil yawm al-akhir. Al-Iman bil yawm al-akhir. Donc, الشيخ الفوزان إلتي الخامس اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس واليوم الآخر المراد يوم القيامة سمي باليوم الآخر لأنه بعد اليوم الأول وهو يوم الدنيا والدنيا هي اليوم الأول والقيامة هي اليوم الآخر. Donc le cheikh il dit que le cinquième pilier c'est le jour dernier. Le jour dernier et c'est le cinquième pilier. On l'appelle le jour dernier. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Qu'est-ce qu'on veut dire par le jour dernier? On veut dire le jour de la résurrection. Et on l'appelle le jour dernier pourquoi? Parce que il vient après le premier jour. Il vient après le jour premier. Et le jour premier c'est quoi? C'est le jour de cette dunya. C'est comme si toute cette vie d'ici-bas, du début de la création jusqu'à la fin, c'était un seul jour. Puis, la résurrection, c'est le jour dernier. Et donc, il dit le cheikh, donc, que le jour de la dunya, c'est le jour le premier. Et al-qiyama, la résurrection, c'est le jour dernier. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين في القبر وكل ما يكون بين القبر فهو من الإيمان باليوم الآخر وكل ما يكون بعد القبر فهو من الإيمان باليوم الآخر وكذلك الإيمان بالبعث والنشور والمحشر والحساب ووزن الأعمال والصراط والميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات والجنة والنار وتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلا بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كل ما صح من هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه فمن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام كل هذا يطلق عليه اليوم الآخر وما فيه. Donc le cheikh il explique ensuite que la foi en le jour dernier c'est de croire en tout ce qui se passe après la mort. Donc à partir du moment où l'ange vient prendre ton âme, là c'est le jour dernier qui commence pour toi. C'est le jour dernier qui commence pour toi. Et donc tout ce qu'on dit lorsqu'on parle de la foi en le jour dernier, c'est en réalité de croire en tout ce qui se passe à partir du moment où l'ange prend ton âme jusqu'au jugement dernier et jusqu'à ce que les croyants rentrent au paradis et que ceux qui rentrent en enfer rentrent en enfer. Ça, c'est ce qu'on appelle al-iman bil yawm al-akhir. Ça comprend tout ça. Donc le cheikh, il énumère plusieurs choses qui font partie de la foi en le jour dernier pour donner des exemples. Donc il dit par exemple la foi en le châtiment de la tombe et le questionnement des deux anges dans la tombe. Donc il faut croire en ça, ça fait partie de la foi en le jour dernier aussi. Le jour dernier, c'est pas juste de croire que les hommes vont se ressusciter puis qu'ils vont être jugés. C'est pas seulement ça le jour dernier. Le jour dernier, c'est de croire même à tout ce qui a été mentionné dans le Coran ou dans la Sunna à partir du moment où les anges viennent prendre ton âme. Ça a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna, il faut y croire. Parce que ça fait partie du rêve de qu'est-ce qui se passe après la mort. Et il faut croire au châtiment de la tombe, même si ça vient avant le jugement dernier, même si ça vient avant le jour du rassemblement et le jour des comptes, parce que c'est mentionné dans les textes et ça fait partie de la foi en al-ghayb et en qu'est-ce qui vient après la mort. Non. Donc il faut croire en le châtiment de la tombe et les délices de la tombe. Il faut croire au questionnement des deux anges qui viennent dans la tombe pour poser les questions. Ils te demandent quoi? Man rabbuk, qui est ton Seigneur, qui est ton Dieu? Ma dinuk, quelle est ta religion? Ou man nabiyuk, et qui est ton prophète? Et donc, ça c'est les trois questions. Et le sujet même de ce livre, Al-Usul al-Thalatha, c'est justement de connaître les choses qui sont nécessaires pour être capable justement de bien répondre à cette question. C'est les trois fondements. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Donc ça, c'est les réponses, les trois fondements, c'est les trois réponses à ces trois questions-là. Et donc, ensuite, il faut croire également à tout ce qui est mentionné de qu'est-ce qui va se passer dans la tombe. Ça aussi, ça fait partie de la foi en le jour dernier. Comme tu as mentionné, par exemple, tout à l'heure, du fait que quelqu'un, il entend quelque chose qu'on lui dit, quelqu'un lui raconte quelque chose ou lui dit quelque chose au sujet de qu'est-ce qui se passe après la mort. Par exemple, quelqu'un te dit que dans la tombe, il y a des gens qui vont être châtiés et que leur tombe va être rétrécie sur eux et puis que leurs côtes vont s'entrecroiser tellement ils vont être écrasés dans la tombe. Donc si quelqu'un, il a jamais entendu ça, il a jamais lu ça non plus, et quelqu'un vient et lui dit ça, lui il le sait pas, s'il a un doute à ce moment là pas parce qu'il a un doute en qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas parce qu'il a un doute en qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, il a pas un doute sur ça, il a un doute sur est-ce que c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, est-ce que ça a été vraiment rapporté authentiquement que ça a été dit ou non, puisque lui il n'a pas été au courant. Donc dans ce cas-là, il faut chercher ou bien il faut demander à la personne qui nous ramène cette chose-là la preuve dans le verset du Coran ou dans le hadith, pour être convaincu, pour être certain que cette information-là, elle est exacte et correcte et authentique. Et non pas juste de l'accepter juste parce que quelqu'un le dit. Puisque de nos jours, on sait, tout le monde raconte toutes sortes de choses, c'est pas toujours vrai. Donc, cette chose-là en particulier, au sujet de la tombe qui se rétrécit et qui s'écrase sur la personne et qui font que ses côtes se croisent entre elles, ça c'est vrai, ça a été rapporté dans des hadiths authentiques et donc c'est quelque chose de réel au sujet du châtiment de la tombe et il faut y croire, d'accord? Donc mais en même temps, donc il faut, comme on dit, retourner, toujours demander les preuves et les références aux personnes lorsqu'ils nous donnent des informations. Le Cheikh, il dit donc que par la suite aussi, il faut croire en la résurrection. La résurrection, c'est-à-dire que les gens qui sont, les ossements et les gens qui sont décomposés dans leur tombe, ils vont, Allah subhanahu wa ta'ala va les recréer, hein, va les faire revivre, et ils vont sortir de la terre. Tous les corps qui sont morts, ils vont revenir à la vie. Allah subhanahu wa ta'ala va les recréer, va les faire revivre, et tous ces corps-là vont sortir de la terre, hein, et ils vont se tenir debout, ils vont tous être assemblés à un endroit, et ils vont être jugés. Donc tout ça, c'est des éléments qui font partie de la foi en le jour dernier. Donc al-ba'th, c'est la résurrection, et al-nushur aussi, c'est la résurrection, et al-mahshar, c'est le rassemblement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rassembler sur une terre qui est aplanie, hein, il va nous mettre sur un endroit ou un terrain ou une terre qui est aplatie, où il n'y a plus de montagne, il n'y a plus rien, tout est nivelé, et tous les êtres humains qui sont venus au monde sur cette terre depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes qui va être né dans cette dunya, ils vont tous être rassemblés, hommes et femmes ensemble, hein, pour être jugés devant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va les ressusciter, ils vont sortir de la terre comme ils ont été créés la première fois, et ils n'auront pas de vêtements sur eux, tout le monde va être nu et non circoncis comme ils ont été créés la première fois. Tout ça, c'est des éléments qui font partie de la foi en le jour dernier. Et ensuite, il y aura al-hisab, les comptes que Allah subhanahu wa ta'ala va demander de chacun. Puis waznul a'mal, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre nos œuvres dans une balance pour peser, hein, la valeur de nos œuvres, le bien et le mal, et pour voir de quel côté la balance va pencher. Hein? Et il y aura également as-sirat. As-sirat, c'est le pont qui est placé sur l'enfer et par-dessus lequel les croyants vont passer à une vitesse qui est proportionnelle au niveau de leur foi dans cette dunya. Hein? Et ensuite, il y aura aussi al-mizan. On l'a dit, donc al-mizan, il le répète le cheikh, al-mizan par lequel on va peser les actions. Et ensuite, le paradis et l'enfer. Et le cheikh, il dit que les détails de ce qui est mentionné au sujet de la foi en le jour dernier, on doit y croire de façon générale et de façon détaillée. Il faut croire de façon générale en le jour dernier et de façon détaillée lorsque des preuves spécifiques sont mentionnées au sujet de certains éléments de la foi en le jour dernier. Il faut y croire ça aussi. En partant ou en commençant par la mort, et qu'est-ce qui se produit au moment de la mort, comme c'est mentionné dans les textes, jusqu'à ce qu'on soit définitivement établi dans le paradis, pour les gens du paradis, et ou bien en enfer, pour les gens de l'enfer. Et tout ce qui a été rapporté de façon authentique, hein, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la révélation, donc dans ce cas-là, il faut y croire. Nous devons y croire et on n'a pas le droit de douter en quoi que ce soit de ce qui est rapporté dans le Coran ou dans la Sunna qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc quand on dit « ma sahha », ça veut dire qu'est-ce qui a été rapporté de façon authentique. C'est pas si quelqu'un te ramène un hadith qui est faible ou qui est fabriqué et il te raconte des histoires qui ne sont pas authentiques et qui te dit « il faut croire en ça ». Tu lui dis non, puisque ça c'est pas authentique. Quand on dit de croire en qu'est-ce qu'il y a dans le jour de croire qu'est-ce qui est mentionné au sujet du jour dernier, c'est de croire en qu'est-ce qui est rapporté de façon authentique, comme les hadiths de Al-Bukhari et de Muslim et les hadiths qui ont été authentifiés par les ulama dans les autres sunan comme Sunan Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah et dans les autres aussi, les livres de Al-Bayhaqi et de l'imam Ahmad, la Musnad de l'imam Ahmad et les autres livres, lorsque les ulama ont mentionné ces hadiths-là comme étant authentiques, et qu'ils ont fait la vérification, dans ce cas-là, il faut les accepter et y croire. Hein? Donc ça, c'est très important. Et le cheikh, il dit que quiconque a un doute en une chose qui est authentique, soit que c'est mentionné dans le Coran, ou soit que c'est dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la personne doute malgré que la chose elle est affirmée et confirmée dans les textes, alors cette personne-là, c'est une personne qui est mécréante, qui est kafir, et qui a apostasié de l'islam, c'est-à-dire qui est sorti de l'islam. Hein? Et donc, tout ce qu'on a mentionné maintenant, tout ça, ça fait partie de la foi en le jour dernier. Ça, c'est le cinquième pilier de l'islam. Et pour que quelqu'un soit un croyant, un musulman, il faut qu'il accepte la foi en tous ces éléments-là qui sont mentionnés. Maintenant, il y a des gens de bid'a parfois, il y a des mu'tazila, ou bien d'autres catégories de gens de bid'a qui vont nier certains éléments de ces choses-là. Par exemple, les mu'tazila, ils ne croient pas en le jaciment de la tombe. Parce que ce sont des gens qui sont matérialistes. Et quand on dit matérialiste, sur le plan philosophique, dans le sens qu'ils croient que ils affirment seulement ce qu'ils peuvent prouver physiquement, par leur sens, par leurs cinq sens. Ça veut dire qu'ils vont dire, par exemple, on ne croit pas en le châtiment de la tombe. Parce que si on va aller dans une tombe de quelqu'un qui est mort, qui est enterré, et qu'on creuse, on ne va pas voir de feu. Ou on ne va pas voir de paradis dans sa tombe, ou des jardins dans sa tombe. Hein? Donc, à cause de ça, ils nient qu'est-ce qui est mentionné dans les textes. Hein? Ou bien ils vont utiliser des shubuhat, comme par exemple de dire non, ça c'est rapporté par un hadith qui est ahad. Ils vont dire ça c'est rapporté par un hadith qui est rapporté juste par une personne ou deux, donc on ne l'accepte pas dans les questions d'aqida. Et ils rejettent la sunna de cette manière. Nous on dit, du moment que le hadith il est sahih, qu'il soit ahad ou non, on l'accepte. Et on y croit. C'est obligatoire d'y croire. Hein? Ce n'est pas une condition que le hadith soit mutawatir pour que ce soit une référence et une preuve dans les questions de aqida ou dans les questions de fiqh également. Hein? Et dans les autres éléments aussi, que ce soit la foi en la balance, eux ils disent non, il n'y a pas de balance. Tout ce qui est rapporté au sujet du jour dernier, ils le nient. Hein? En se basant sur quoi? En se basant sur leur logique à eux. Hein, qui est en réalité leur passion qu'ils essaient de y présenter comme étant de la logique. Donc ça c'est un exemple. Ensuite le sixième pilier qui est le dernier pilier, c'est le pilier de la foi en la prédestination. Et ça c'est un pilier qui est très important et que beaucoup de gens malheureusement ont défié à son sujet. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit Al-Ruknu Sadis تؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر من كفر أو إيمان من نعمة أو نقمة من رخاء وشدة من مرض وصحة من حياة وموت كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر لم يكن صدفة ولم يكن أمرا مستأنفا أي أنه مبتدأ لم يسبق أن قدر تؤمن بهذا كله بأنه بقضاء الله وقدره وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن هذا بقضاء الله وقدره قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا هو الإيمان بالقدر. Donc le Cheikh Al-Fawzan maintenant il nous donne l'introduction par rapport aux bases de la foi en la prédestination et qu'il faut croire en ce que Allah a prédestiné de bien et en ce qu'il a prédestiné de mal, hein? Et que tout ce qui se produit dans cet univers, que ce soit de bien ou de mal, de mécréance ou de foi, de grâce ou de châtiment ou de punition, de d'aisance ou de difficulté, de maladie ou de santé, de vie ou de mort, tout, sans exception, tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui se passe dans cet univers, c'est quelque chose qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose qui est arrivé subitement, hein, ou bien qui est arrivé par coïncidence, ou bien qui est arrivé, hein, juste comme ça par chance, par hasard. Non. Tout ce qui se passe parce que ça a été prédestiné. Hein? On peut pas dire, ça c'est quelque chose qui est arrivé, ça n'avait pas été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Tout a été prédestiné sans exception jusqu'au petit détail dans qu'est-ce qui se produit dans la création. Hein? Jusqu'au plus petit détail. Même si nous, par exemple, par rapport à qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on conçoit, on peut s'imaginer que quelque chose ça arrive par hasard. On peut imaginer que quelque chose ça arrive par coïncidence. Pourquoi? Parce que selon notre point de vue d'être humain limité, faible et ignorant, on s'imagine que ces choses-là ont une très faible probabilité de se produire, une très faible possibilité d'arriver de cette manière. Hein? Supposons que quelqu'un, par exemple, parte en voyage et que cette personne, elle est partie, mais il s'attendait pas, il n'a pas dit à personne où il allait. Puis il part dans un pays lointain où il connaît personne, dans un endroit très très isolé. Puis il rencontre une autre personne de la même ville qu'il connaît très bien et qui était là ce jour-là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais ça paraît comme si c'était quelque chose qui arrive par hasard. Hein? Qui est comme une coïncidence, tu vois? Souvent, c'est arrivé à plusieurs personnes, des choses comme ça. Moi-même, j'en ai plein d'exemples, comme des choses qui se sont produites comme ça, que je pourrais mentionner. Mais c'est pour dire, quand tu regardes des choses comme ça, tu dis, ça, pour toi, c'est une coïncidence, c'est un hasard, c'est quelque chose qui se passe, qui était très, très, très peu probable que ça se produise. Sauf que c'était écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour Allah, c'est pas une coïncidence. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un hasard. Hein? Exactement. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est seulement selon notre point de vue à nous. Pas à cause de notre ignorance. À cause du fait qu'on ne connaît pas le rêve. À cause du fait qu'on ne connaît pas ce que Allah a prédestiné pour nous. Mais pour Allah, il n'y a pas de hasard. Hein? Même ce qui peut s'arriver comme, même quand on, qu'est-ce qu'on fait par accident. Hein? Par exemple, tu prends quelque chose, tu l'échappes. Par terre, tu brises une assiette. Toi, tu dis c'est un accident, c'est arrivé par hasard. Hein, c'était pas calculé. Mais pour Allah, c'était calculé. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, que ce jour-là, à cet instant-là, à cette seconde-là, à ce millième de seconde, cette assiette allait se casser et de quelle manière elle va se casser et où va être la première fente et comment ça va s'éparpiller. Et où vont se placer chacun des morceaux de cette assiette? Tout ça, c'était écrit dans un livre. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, tout ça, c'est calculé. Si ça, c'est pour une assiette qui se brise, imaginez une explosion, ou bien autre. Hein? Un tremblement de terre, ou autre. Tout ça, c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une feuille d'un arbre qui tombe à l'automne, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait quand elle va tomber, où elle va tomber, à quel instant, à quelle seconde elle va tomber. Il le savait depuis avant même d'avoir créé les cieux et la terre. Et la goutte d'eau qui tombe du ciel, et le flocon de neige, et tous ces exemples-là, le grain de sable, hein, ou la goutte d'eau qui est dans l'océan, peu importe qu'est-ce que ça peut être, la fourmi qui est au fin fond de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça est la prédestinée, il n'y a rien qui lui échappe. Hein? Tandis que pour nous, ces choses-là, ça nous échappe complètement. Hein? Donc ça, c'est pour nous faire comprendre que tout ça, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'a pas le droit de dire, hein, que ces choses-là, c'est pas prédestiné, ça arrive comme ça, c'est par hasard. Hein? J'étais dans un cours, de chimie, et on était en train de parler des niveaux de, des électrons, puis des atomes, puis tout ça. Et puis, j'ai demandé une question au professeur, mais il n'a pas compris bien la question. Je lui ai dit, est-ce que ça arrive par hasard? Est-ce que ça c'est arrivé par hasard? Que les atomes soient comme ça, puis que ça, que les molécules se forment de telle ou de telle manière, ou bien que le tableau périodique, hein, on voit que plus on descend, plus les éléments sont gros, et les éléments sont gros et lourds, et des choses de ce genre. Est-ce que c'était par hasard que c'est comme ça? Et là, il a dit, je sais pas, ça dépend. Si vous croyez qu'il y a un Dieu, oui, c'est un Dieu qui a fait ça. Mais là, hein, étant donné que ces gens-là, ils veulent pas mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils veulent pas que les gens se réfèrent à leur Créateur et qu'ils retournent au Créateur. Donc, même quand ils prennent leur cours pour leur montrer comment enseigner la matière, ils leur disent de ne pas parler de Dieu et de ne pas enseigner la notion de Dieu aux élèves. Hein? Ça, c'est des exemples. Donc, quand tu vois la perfection avec laquelle cette création-là, elle est créée, tu sais qu'il n'y a pas de hasard dans ces choses-là, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, même si c'est des choses qui sont infiniment petites. Tayyib. Ensuite, le cheikh, il dit, yani, tu dois croire que tout ça, c'est par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qada, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par son qadar. On dit souvent al-qada ou al-qadar, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa prédestination. Donc tu dois croire en ça, et tu dois croire que ce qui t'a atteint, ça ne pouvait pas te manquer. Et ce qui t'a manqué, ou ce que t'as manqué, ça ne pouvait pas t'atteindre. Hein? C'est ça, en fait, le cœur de la foi en Al-Qadar. De savoir que tout ce qui t'arrive, ça ne pouvait pas t'échapper. Ça ne pouvait pas te manquer. Et qu'est-ce qui t'a manqué? Ça ne pouvait pas t'atteindre. Tu ne pouvais pas l'attraper. Hein? Des fois, tu dis, par exemple, quelque chose, on va dire, quelque chose tombe juste à côté de toi, ou bien tu vois quelque chose qui passe juste comme ça à côté de toi, failli te frapper. Hein? Ou des choses comme ça. Tu dis, ah, hein, ça a failli me manquer. Non, mais c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait écrit que ça allait pas te toucher. Cette chose-là, elle allait pas te toucher, c'était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tu dis, ah, je suis chanceux, j'ai attrapé telle ou telle chose, ou bien j'ai réussi telle ou telle chose. Hein? C'est cette chose-là, elle avait été prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne pouvait pas te manquer. Tu vois un joueur, par exemple, de basketball, il reste par exemple 20 secondes avant la fin de la partie, hein, ou quoi, 10 secondes. Et il lance le ballon du bout du terrain, après tu vois 10 secondes passent, et la cloche sonne, le ballon est encore dans les airs, et puis là, juste quand le match est fini, le ballon rentre dans le panier. Tout le monde dit, ah, hein, je l'ai eu, j'ai fait un but. Eh bien, c'était écrit à cause de ce ballon-là, il a fait gagner son équipe. C'était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des choses comme ça. Les gens, souvent, dans le sport, ils oublient le qadar. Hein. Ils jouent un match avec des amis comme ça, n'importe quel sport. Il dit, ah, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû te mettre là. Si tu t'étais pas placé là, ça serait pas arrivé. Si tu t'étais placé là, ça serait arrivé. Hein? Ils se blâment, ils s'envoient des blâmes les uns les autres comme ça. Alors que tout ça, c'était le qadar, c'était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Que telle personne allait manquer la balle, que telle personne allait réussir son but, et ainsi de suite. Hein? Donc tout ça, c'est des exemples. نعم وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن هذا بقضاء الله وقدره que tout ça, ça se passe par le décret d'Allah et par sa prédestination. قال تعالى Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et donc le cheikh il mentionne ce verset là comme preuve, c'est le verset 22 dans sourate Al-Hadid, hein, ce verset là il montre, hein, quelque chose de très important. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'est-ce qui signifie, et il n'y a aucun malheur qui atteint les hommes, hein, ni en vous-même, hein, ni sur la terre, ni en vous-même, excepté que c'est dans un livre avant même que nous l'ayons créé. Et cela est très facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il n'y a pas un malheur qui atteint soit la terre, ou soit qui vous atteint soit sur la terre ou bien en vous-même, excepté que c'est dans un livre. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà écrit dans un livre avant même d'avoir créé la création. Et ça, c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Une fois, les êtres humains, surtout les philosophes phares, ils rentrent dans des questionnements à propos de ces choses-là. Ils commencent à se poser des questions. Est-ce que la prédestination existe? Est-ce qu'il y a un destin? Est-ce qu'il n'y a pas de destin? Est-ce que ça c'est destiné? Est-ce que ça c'est pas destiné? Et ainsi de suite. Hein? Ils se posent plein de questions à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clarifié les choses clairement pour qu'on soit certain dans ces questions-là, qu'on n'ait pas de doute. Hein? Donc, ce verset-là, c'est clair. Maintenant, pour que quelqu'un puisse comprendre bien la question de Qadar, et pour qu'il puisse être certain qu'il a bien compris cet aspect-là parmi les 6 piliers de la foi, et qu'il a bien compris la foi en Al-Qadar, les ulama de l'islam, ils ont divisé les points les plus importants qui ont rapport avec la foi en Al-Qadar en 4 degrés. 4 degrés. Et ces 4 degrés-là, si tu les as bien compris et que tu y crois correctement, tu as cru en Al-Qadar. Toutefois, si tu n'en as pas accepté un, ou s'il y en a un d'entre ces 4 points-là que tu n'as pas accepté ou que tu n'as pas bien assimilé et que tu n'y crois pas, eh bien, tu n'as pas cru en Al-Qadar. Ces 4 points-là, chaque musulman devrait les connaître. Ces 4 points-là, chaque musulman devrait les connaître. C'est les 4 points suivants et on va les énumérer. Le cheikh dit al-iman bil qadar yatadammanu arba'a darajat. Wa man lam yu'min biha kullaha falaysa mu'minan bil qadar. Le cheikh il dit que la foi en le qadar, il comprend 4 degrés. Celui qui n'a pas cru en tous ces 4 degrés-là, il n'est pas croyant en Al-Qadar. Il n'a pas cru en Al-Qadar. Al-Martabatul Ula, le premier degré. Al-Ilm. Al-Ilm bi anna Allah alima kulla shay'in fil azal. Alima kulla ma yajri ma kana wa ma yakunu إلى ما لا نهاية فالله قد علمه في الأزل قبل أن يكون وقبل أن يقع علمه سبحانه وتعالى بعلمه القديم الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وهذه مرتبة العلم فمن جحدها فهو كافر. Donc le premier degré c'est العلم. العلم, la connaissance, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science infini d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut croire qu'il a su toutes choses éternellement. Il a su toutes choses éternellement. Et il a une connaissance de tout ce qui se produit, de tout ce qui se passe. Il sait ce qui s'est passé dans le passé jusqu'à l'infini. Et dans l'avenir, jusqu'à l'infini. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a su toutes choses avant qu'elles se produisent. Hein? Éternellement. Et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle. Et il a toujours eu cette caractéristique-là et cet attribut d'être omniscient et de savoir tout. il a toujours su tout éternellement. Et ça, c'est un degré de la foi en Al-Qadar, qui est le degré de la science. Al-ilm. Celui qui nie ce degré, il est kafir. Celui qui nie ce degré de Qadar, il est kafir. Il n'est pas musulman. Comme certains d'entre les kuffars, hein, ou certains d'entre les gens de bid'ah. Certains kuffars, ils disent, Dieu, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avant que ça se passe. Comme les témoins de Jéhovah. Si vous avez des discussions des fois avec les témoins de Jéhovah, vous rentrez dans le sujet de Al-Qadar avec eux, vous voyez que c'est des gens qui ne savent rien du tout sur Al-Qadar. Ils ne croient pas du tout en Al-Qadar. Hein? Donc les témoins de Jéhovah, ce sont comme les Qadariya parmi les musulmans, comme les Mu'tazila. Ils ne croient pas en la prédestination. Et une fois j'en ai parlé avec un, il m'a dit non, mais Dieu ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire avant que tu le fasses. Hein? Il a dit, j'ai dit, subhanallah, s'il ne sait pas cette chose-là, s'il ne sait pas ce qui se passe avant que tu le fasses, ça veut dire qu'il n'a pas la connaissance de toute chose. Hein? Il a dit, non, il peut le savoir, mais il ne veut pas le savoir. Astaghfirullah. C'est grave, des gens qui ont des idées ou des croyances pareilles. Donc, ça c'est l'exemple des négateur de Al-Qadar qui nie la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils attribuent à Allah quoi? L'ignorance. Hein? A'udhu billah. Le deuxième degré de la croyance en Al-Qadar, Al-Martabatu Thaniya, Martabatu Al-Kitabati Fil-Lawh Al-Mahfouz. Le degré de yani, l'écriture, le fait que tout a été écrit dans les tables préservées. Wa hiya anna Allah kataba kull shay'in fi al-lawh al-mahfuz. Fama yajri shay'un illa wa huwa maktubun fi al-lawh al-mahfuz. Wa laysa hunaka shay'un yajri wa huwa ghayru maktub. Wa li hadha qala ta'ala ma asaba min musibatin fi al-ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin ya'ni al-lawh al-mahfuz. كتب الله فيه مقادير كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة Donc le cheikh il dit le deuxième degré c'est l'écriture, al-kitaba, l'écriture, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit dans les tables préservées, tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. C'est l'aspect que les gens mentionnent souvent, et en particulier les gens du Maghreb, ils mentionnent souvent cette partie de la foi en al-qadar par le terme al-maktoub. Hein? Et souvent même, ils vont se référer au qadar par ce terme-là. Ils vont dire, ça c'est le maktoub. Et ça fait partie donc des éléments et des degrés de la foi en al-qadar. Sauf que ce n'est pas le seul degré de al-qadar. Mais c'est un des degrés du qadar. Hein? C'est très important de croire en ça et chaque musulman est obligé de croire en ça. Sinon, il n'a pas cru en al-qadar, en ce pilier de la foi. Hein, qu'est-ce qu'on appelle al-maktoub, hein, ou al-kitaba. Et ce degré-là, c'est de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala et de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses dans les tables préservées. Donc, il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien dans l'univers excepté que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit auparavant, avant de l'avoir créé. Il n'y a rien qui se produit qui n'est pas écrit. Tout est écrit, sans exception. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Hadid, le verset 22 qu'on a mentionné, « Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin » Donc il n'y a rien qui se produit comme malheur sur la terre ou en vos personnes, excepté que c'est dans un livre. Illa fi kitab, hein? Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Donc, ce livre, c'est quoi? C'est Al-Lawh Al-Mahfouz. Al-Lawh Al-Mahfouz, ça signifie, Al-Lawh, c'est comme une tablette, une table sur laquelle on écrit, une tablette. Hein? Et Al-Mahfouz, ça signifie qui est préservé. Hein? Ça vient de Hafiza, Yahfazou. Quand tu dis quelque chose, il est Mahfouz, il est préservé. Al-Hifz, quand tu dis quelqu'un qui hafiz le Coran, Hifz, il a mémorisé. Al-Hifz, c'est la mémorisation. Hein? La mémoire. Donc, Al-Mahfouz, c'est qu'est-ce qui est préservé. Al-Lawh, Al-Mahfouz. Donc, c'est dans ce livre-là, qui est Al-Lawh, Al-Mahfouz, que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit là, le destin et la prédestination de toutes choses. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi selon Ubadat ibn Samit, il dit la première chose ou bien awwal ma khalaqa Allah al-qalam qala uktub. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, la première chose qu'il a fait c'est qu'il lui a dit écris. Il a dit et qu'est-ce que je vais écrire? La plume a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Et Allah a dit, écris tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'écrire tout ce qui va se produire jusqu'à la résurrection, jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, فَمَنْ جَحَدَ الْكِتَابَ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكْتُبْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ شَيْئًا فَهَذَا كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Le cheikh il dit, celui qui nie ce qu'il y a une écriture, celui qui nie qu'il y a une écriture, c'est-à-dire il dit non, il n'y a rien qui. Il dit je crois que Allah sait toutes choses, mais je ne crois pas qu'il a écrit la prédestination dans les tables préservées. Dans la table préservée, il n'a rien écrit. Celui qui dit ça, il est kafir et il a apostasié de l'islam. Donc celui qui ne croit pas en ce deuxième degré de qadar, il est kafir. Il n'est pas musulman. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il donne la zakat, hein, même s'il aide les pauvres, même s'il est gentil, même s'il est généreux, même s'il est un bon khuluq. Hein, c'est pas juste ces choses-là qui sont fondamentales, c'est les bases de la foi sont primordiales et elles ont une priorité sur tout le reste de l'islam, des actes de l'islam. Hein? Il faut bien croire en les fondements et en les piliers de la foi. Si quelqu'un, comme on a mentionné depuis le début, a des problèmes dans les fondements et dans les piliers de la foi, eh bien tout le reste de ce qu'il fait, ça ne comptera pas. Hein? C'est-à-dire, s'il y a des problèmes dans le tawhid et dans sa foi en Allah, s'il a des problèmes dans la foi en les anges, il ne croit pas en les anges. Il a des problèmes dans la foi en les livres, il ne croit pas en les livres. Il a des problèmes dans la foi en les messagers, il ne croit pas en les messagers. S'il a des problèmes hein, dans la foi en le jour dernier, il ne croit pas au jour dernier, ou des éléments authentiques qui sont dans le Coran est dans la Sunna au sujet du jour dernier. Ou bien il ne croit pas en quelque chose qui a rapport avec le Qadar. Et puis que cette personne-là, malgré tout, tu la vois, elle fait la salat, elle fait le hajj, elle fait le jeûne, elle fait la zakat, elle fait tous les actes de bonté, de piété. Ça comptera pour rien. Ça comptera pas pour cette personne-là, pour rien au jour de la résurrection. Elle ne sera pas récompensée pour rien parce qu'elle n'a pas eu la foi correcte. Donc, la base de nos actions, ces actions-là doivent être établies sur une foi correcte, une aqida correcte. Sinon, les œuvres qu'on fait n'auront pas de valeur, n'auront pas de récompense. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. » On va prendre les œuvres qu'ils ont faites et on va les faire devenir de la poussière éparpillée par le vent. Hein? frappé par le vent. Donc, ça c'est très important de le comprendre, parce que des fois les gens, ils donnent plus d'importance aux actions et ils oublient l'importance de la aqidah. Hein? Et c'est pas pour dire que les actions n'ont pas d'importance. Les actions ont une importance, sauf que il ne faut pas les mélanger ensemble. C'est-à-dire, il ne faut pas donner précédence aux actions et les mettre devant la croyance, comme si tu peux faire des bonnes œuvres et même si tu n'as pas la bonne croyance, c'est correct. C'est pour ça, des fois, tu vois des musulmans, parfois, ils vont voir des koufars, ils vont dire, ah, ils font des bonnes œuvres, hein. Oui, ils font des bonnes œuvres, les koufars. Mais ces bonnes œuvres-là ne valent rien. Puisque ces œuvres-là ne sont pas basées sur une aqidah qui est correcte. Donc, s'ils veulent que leurs œuvres soient valables, ils doivent accepter la foi en Allah et en le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si un mécréant, que ce soit un juif ou un chrétien ou une autre religion, il a fait beaucoup de bonnes actions dans sa vie, et qu'il accepte l'islam, eh bien tous ses péchés qu'il a fait avant l'islam seront effacés, mais les bonnes œuvres qu'il a faites seront comptées pour lui. Donc, il ne perd pas ses bonnes œuvres s'il les a faites avant. Hein? Tout ce qui existe, tout ce qui s'est produit dans le passé et qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection, tout ça, il faut croire que c'est écrit. Et le cheikh, il dit donc, comme on a dit, celui qui nie ça, il n'est pas musulman. Al-martabatu thalitha, le troisième degré, mashi'atullah an-nafidha. وهي أن الله سبحانه يشاء الشيء ويريده فما من شيء يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده كما في اللوح المحفوظ وكما علمه سبحانه وتعالى يشاء كل شيء في وقته ويريد كل شيء في وقته أو في وقت حدوثه لا يقع شيء بدون مشيئة الله أو بدون إرادة الله فمن قال إن الأشياء تحدث بدون أن يشاءها الله أو يريدها فهذا يعني من قال فمن قال وعليكم السلام ورحمة الله فمن قال إن الأشياء تحدث بدون أن يشاءها الله أو يريدها الله فهذا كافر. Donc ça c'est un autre point important parmi les degrés de la foi, hein, le qadar. C'est de croire que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qui arrive et qui se produit. En arabe, il y a deux mots pour dire la volonté. Il y a deux mots en arabe pour dire la volonté. Al-mashi'a et al-irada. Al-mashi'a et al-irada. Ces deux mots-là ont la signification de volonté. Sauf qu'en arabe, il y a des nuances entre les deux. Ils n'ont pas tous les deux exactement la même signification. Il y a des nuances entre les deux. C'est pour ça que al-mashi'a, c'est al-irada al-kawniya. Hein, on reviendra là-dessus, inshallah, pour faire comprendre qu'est-ce que ça signifie. Donc, il n'y a pas une chose qui se passe dans le monde, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Et qui l'a voulu comme c'était écrit dans les tables préservées. Hein? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a su, chaque chose, elle arrive lorsque Allah le veut dans son temps. Hein? Et chaque chose arrive lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette chose se produise. Pas avant, pas après. C'est quand Allah l'a voulu que ça se produise. Hein? C'est comme la mort. La mort, elle a été prédestinée pour toi à un moment précis, à un instant précis. cette mort, elle va pas retarder de 2 secondes, elle va pas être devancée de 2 secondes. C'est l'heure exacte à laquelle, et à la seconde exacte à laquelle, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu meures. Hein? Et même quand quelqu'un essaie de se suicider, si il réussit à se suicider, eh bien c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il peut pas se devancer sa mort 1 seconde ou la reculer 1 seconde. C'était écrit qu'il allait mourir à cette heure-là. Et de cette façon-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait écrit, prédestiné, il le savait déjà. Hein? Donc, il n'y a rien qui se produit excepté que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe sans que Allah subhanahu wa ta'ala le veuille, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ça, ça se passe, mais c'est en dehors de la volonté d'Allah, ça, ça se passe, mais Allah, il voulait pas, ou il voulait le contraire, mais c'est ça qui s'est passé. Hein? Celui-là, il est kafir. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus fort qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il contredit la volonté d'Allah. Non, ça, c'est pas possible. Hein? Donc, il faut croire que ce qui se produit, c'est ce que Allah a voulu. Mais, par contre, comme je mentionnais tout à l'heure, il faut faire la distinction entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il faut bien savoir distinguer entre ces deux choses-là. C'est pas tout ce qui se produit que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah subhanahu wa ta'ala a permis et a voulu que certaines choses se produisent parmi les choses qu'il n'aime pas, pour mettre certaines de ses créatures à l'épreuve et pour les tester dans leur foi. Hein? Et c'est pour ça que les ulama, ils expliquent que dans le Coran et dans la Sunna, on retrouve 2 catégories de volonté divine. La volonté qu'on appelle la volonté kauniya, qui est reliée à la création et à la prédestination, ça veut dire tout ce qui se passe. Tout ce que Allah a voulu, sans exception, hein, que ce soit bien ou mal, que ce soit quelque chose que Allah aime ou que ce soit quelque chose que Allah déteste, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-irada al-kawniya, al-irada al-kawniya al-qadariya. Ça c'est très important de bien comprendre cette question, parce que celui qui n'a pas compris ça, il y en a beaucoup d'entre ceux qui n'ont pas compris ça, ils sont déviés dans la question de Qadar, à cause de ça. Donc, il y a cet aspect de la volonté d'Allah qu'on appelle al-irada, al-kawniya, al-qadariya. Ça implique tout ce que Allah aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Tout ce que Allah a ordonné et tout ce qu'il a interdit. Si ça se produit, ça fait partie de l'irada, al-kawniya. Par exemple, quelqu'un a tué un autre dans la rue. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est arrivé par la volonté d'Allah? Oui. Mais est-ce que Allah aime? Non. Pourquoi il aime pas? Comment on sait que Allah l'aime pas? Parce qu'il a envoyé des messagers avec des livres, avec des lois qui nous interdit de tuer. Donc, il a voulu ça dans sa prédestination et dans sa création, pour tester les hommes, hein, et pour une sagesse que lui connaît. Mais il l'a interdit, et il ne l'a pas voulu dans le sens qu'il l'a interdit par sa révélation. Ça c'est al-irada al-shara'iyya. Ça c'est al-irada al-shara'iyya. Et il déteste le meurtre. Hein? Par exemple, quelqu'un s'est prosterné devant une idole, ou quelqu'un a adoré une croix. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu ou non? Oui, c'est quelque chose qu'il a voulu, puisque c'est quelque chose qui existe et qu'il a créé. Hein? Donc le shirk, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Hein? Shaitan, Iblis, la'anahullah. Est-ce que c'est quelque chose que Allah a voulu ou non. L'existence de Iblis, c'est Allah qui l'a voulu, c'est par la volonté d'Allah qu'il existe. Hein? Le kufr, c'est par la volonté d'Allah que le kufr existe. Sauf que est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime le shirk? Et est-ce qu'il aime le kufr? Et est-ce qu'il aime, hein, toutes les exemples de Iblis? Est-ce qu'il aime Iblis, les shaitans, les shayatin? Non. Et le mal? Non. Il n'aime pas ces choses-là. Il les a créées, il les a voulues pour une sagesse, pour un plan qu'il a, pour un but, un objectif qui est bon. Et il les a créés pour nous mettre à l'épreuve. Hein? Mais on sait que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ces choses-là et qu'il les a interdites parce que dans le Coran, on a les preuves de ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le shirk. Il a envoyé les messagers pour interdire le shirk. Et il a mentionné que les gens qui ont commis le shirk et qui sont morts sur le shirk sans se repentir, ils n'auront aucun espoir du pardon et qu'ils vont être en enfer pour l'éternité. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. Celui qui meurt sur le shirk sans se repentir avant sa mort, il est dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Et le kufr, la même chose. Allah l'a interdit. Et il a menacé ceux qui font le shirk de l'enfer, et il a promis à ceux qui s'en écartent qu'ils auront le paradis. Iblis, shaitan, la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala le déteste, il l'a maudit. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran qu'il est maudit. Il est éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sera dans l'enfer. Hein? Donc toutes ces choses-là, et la même chose pour tous les péchés, les choses qu'Allah a interdites. Donc si ces choses-là se produisent, on n'a pas le droit de mentionner ça comme étant une preuve pour dire que c'est quelque chose qui est correct ou aimé ou accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces choses-là existent pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester et pour voir qui va être croyant, qui va s'écarter de ce qui est haram et va rester sur l'obéissance. C'est ça que ça signifie. Hein? Donc, il ne faut pas dévier dans cette question-là et il faut savoir que il y a une irada, une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est générale et qui est reliée à sa création, qui est relié à sa prédestination, et il y a une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est spécifique et qui est reliée à sa révélation et à qu'est-ce qui est mentionné dans la loi et dans les règles qu'il a révélées à ses messagers. Et qui est la différence entre les deux, c'est justement qu'on les distingue par le fait que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est ce qu'il a voulu dans sa révélation. Et on le sait parce que il a fait la louange ou les éloges de cette chose ou de ces actions-là, comme le tawhid, comme la foi en les messagers, comme la foi en les anges, hein, la foi en le jour dernier, comme par exemple de faire la salat, de faire le jeûne, de faire le hajj, et toutes les autres ibadat, toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, hein. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala les aime parce qu'il l'a mentionné. Et on sait ce que Allah déteste parce qu'il nous mentionne dans sa révélation ce qu'il déteste. Et ce qu'il déteste, c'est ce qu'il a interdit. Et on sait ça par rapport à sa révélation. Hein? Donc, si quelqu'un essaie d'utiliser des shubuhat comme ça avec vous, parfois, et qu'il vous dit la preuve que le shirk est bon, c'est parce que lorsque tu fais du shirk, parfois, tu vas obtenir ce que tu veux. J'entends des gens comme ça. Des fois, tu vas dire, tu vas aller à prier un arbre, puis, ou bien une idole, ou une roche, et puis, tu vas recevoir ce que tu veux. Il y en a qui vont adorer des tombes, ils demandent à la tombe quelque chose, ils disent, ben, j'ai demandé à telle tombe, j'étais malade, j'ai demandé à telle tombe et j'ai été guéri quelque temps après. Hein? Ils utilisent ça comme un exemple pour justifier le shirk. Hein? Ou bien quelqu'un qui va jouer à la loterie. Je suis allé jouer à la loterie, j'ai acheté un billet de loterie, puis j'ai gagné. Ça veut dire que Allah est satisfait de ça. Parce que s'il ne voulait pas, il ne m'aurait pas fait gagner. Non, c'est pas comme ça, hein, qu'on doit comprendre les choses. Et ce n'est pas permis de prendre les choses de cette manière-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ces choses-là. Il a interdit le shirk par les plus grandes formes de clarification et d'interdiction. Il a interdit d'invoquer autre que lui et d'adorer autre que lui, de prier à des morts ou à des tombes ou à des hommes pieux ou à des saints ou à des tombes, peu importe qu'est-ce que tu peux adorer en dehors d'Allah. Il a interdit la loterie aussi, les jeux de hasard. Hein? Donc des fois ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que ces choses-là se produisent pour te mettre dans l'épreuve et pour t'égarer encore plus du droit chemin. Parce que tu as refusé de lui obéir du premier coup, alors il te punit en te mettant cette épreuve-là dans ton cœur. Quelqu'un, par exemple, il dit, bon, moi je vais jouer à la loterie. Hein? Il prend un billet de 649, il choisit des chiffres, il gagne 13 millions. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est un croyant? Est-ce qu'il va dire, ah, je prends le billet, je le jette à la poubelle, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien il va prendre l'argent, il va dire, yani, j'ai pas le choix, yani, je vais faire du bien avec. Hein? C'est une épreuve. Mais du moment que tu rentres dans cette fitna, et que Allah subhanahu wa ta'ala te met à l'épreuve par cette chose-là, eh bien là maintenant, une autre porte d'égarement s'ouvre vers toi maintenant. C'est plus difficile d'en sortir qu'au début. Hein? La même chose pour le shirk. Les mouchriquins, tu les vois, ils adorent les idoles. Wa alaykoum salam. Ils adorent les idoles, ils adorent les choses. Après, Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné qu'il allait être exaucé, qu'il allait recevoir cette chose-là à ce moment-là. Et c'est venu au moment où il avait adoré, par exemple, cette idole. Lui, il pense que c'est à cause de l'idole qu'il a été exaucé. Ou bien parce qu'il a prié la croix, il a prié à Jésus, il est sorti là, il a eu qu'est-ce qu'il a, il a obtenu ce qu'il avait demandé dans sa prière. Lui, il pense que c'est à cause de l'idole, ou de la statue, ou de Jésus, ou des choses comme ça. Hein? Et là, il devient encore plus convaincu en sa fausseté et en son égarement. Il pense encore plus que qu'est-ce qu'il fait, c'est vrai. C'est comme les gens qui font, par exemple, l'exorcisme. Ils prennent une personne qui est possédée par un shaitan ou par un djinn. Et là, ils viennent avec une croix. Le prêtre, il vient devant la personne possédée avec la croix. Il dit, sors de ce corps. Hein? Il va dire peut-être au nom de Jésus ou des choses comme ça. Sors du corps de cette personne, quoi. Le shaitan, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut seulement que cette personne-là tombe encore plus dans le shirk. Alors quand il demande à ce djinn de sortir au nom d'autre que Allah, il est satisfait lui, il est content. Parce qu'il dit, bon ça y est, j'ai réussi à le convaincre du shirk encore plus et à l'égarer encore plus. Donc il sort. Lui il pense que c'est à cause de la vérité qu'il a avec lui. Il pense que c'est ça qui a fait que le djinn est sorti ou quoi. Alors qu'en réalité non. Il est sorti parce qu'il voulait l'égarer. Et quand il a confirmé son égarement, là il est sorti pour l'enfoncer encore plus dans son égarement. Hein? Donc tout ça, ces choses-là, c'est très important de comprendre. L'autre fois, il y a quelqu'un qui dit, il veut justifier des choses qui se passent dans certains pays musulmans de désordre, pour dire ça c'est par la volonté d'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé comme manifestation dans les pays musulmans, dans les pays arabes? Ça, c'est par la volonté d'Allah que ça s'est produit. Oui, c'est vrai, c'est par la volonté d'Allah. Hein? Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime le désordre? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah, il n'aime pas le désordre, il a interdit le désordre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est par la volonté d'Allah, mais c'est un test. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le désordre, il a interdit ce que vous faites. Un autre, il est allé voir un sorcier pour demander à ce sorcier de faire quelque chose pour qu'il soit réconcilié avec sa femme. Alors il va voir ce sorcier, ce marabout, je ne sais pas quoi, il retourne chez lui, et puis sa femme est revenue. Donc lui, il pense que c'est le sorcier qui a fait ça, mais lui, il ne pense pas que c'est un sorcier, il pense que c'est un cheikh, il pense que c'est un homme pieux, que c'est un imam. Donc il dit, ça c'est par la volonté d'Allah que ça s'est produit. Oui, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça s'est produit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le sihr. Allah a interdit la sorcellerie et il a dit que quiconque fait affaire avec la sorcellerie ou l'utilise ou demande à quelqu'un de lui rendre un service en utilisant du sihr, qu'il devient kafir. Et ça c'est clair dans sourate al-Baqarah. Hein? وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils ont su que quiconque allait utiliser ou faire affaire avec la sorcellerie, qu'il n'allait avoir aucune part dans l'au-delà. Hein? Donc quelqu'un ne peut pas dire, ah mais parce que ça marche, c'est la preuve que c'est quelque chose qui est voulu par Allah. Oui, c'est voulu par Allah, mais c'est interdit. C'est shirk, c'est kufr. Hein? Donc essayez pas. Yani, sinon, moi tu dis à cette personne qui dit ça, c'est... Si ça marche, ça veut dire que c'est Allah qui l'a voulu. Tu lui dis d'accord. Je vais prendre un bâton, je vais te frapper la tête avec. Est-ce que ça c'est Allah qui l'a voulu, oui ou non? Il dit oui, c'est Allah qui l'a voulu. Oui, mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'on frappe les gens comme ça? Il dit non. C'est interdit de frapper les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui dont l'autre musulman est épargné de sa langue et de sa main. Donc, j'ai pas le droit de frapper quelqu'un. J'ai pas le droit d'insulter quelqu'un. Donc, le fait que tu fasses quelque chose et que ça se produise, cette chose, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'approuve et l'aime et l'accepte dans sa charia. C'est pour ça que nous, en tant que croyants musulmans, il faut se référer toujours à la charia d'Allah et on ne doit pas prendre le qadar comme argument pour justifier qu'est-ce qui est haram, dans qu'est-ce qui se produit dans le monde. Et ça, c'est une des causes de l'égarement de beaucoup de personnes, malheureusement. Hein? Faranas, tu peux venir en avant. Hein? Laisse Anas profiter lui aussi, hein? Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Donc ça c'est à propos de Al-Mashi'a, je me suis un petit peu, rentré dans les détails là-dessus parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas bien compris, malheureusement, et ils utilisent Al-Mashi'a comme argument pour justifier toutes sortes de choses, n'importe quoi. Donc, ensuite, Al-Martabatul Rabi'a, Martabatul Khalq wal-Ijad. Allahu khaliqu kulli shay, iza sha'ahu wa aradahu, khalaqahu subhanahu wa ta'ala wa awjadahu. Fakullu shay'in huwa makhluqun lillah subhanahu wa ta'ala, wa huwa من خلق الله وهو فعل العبد وكسب العباد وهو فعل العباد وكسب العباد وهذه فهذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها. Donc le quatrième degré dans la foi en al-qadar, c'est de croire en la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a su toutes choses éternellement. Deuxièmement, qu'il a écrit toutes choses avant que ces choses-là soient créées. Troisièmement, qu'il les a voulues. Il n'y a rien qui se produit excepté que c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et quatrièmement, que tout ce qui existe est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas comme les majus qui disent il y a un créateur pour le bien, il y a un créateur pour le mal. Il y a un dieu du bien, il y a un dieu du mal. Hein? Ça c'est shirk. Ça aussi. Donc il faut croire que tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et que nos actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nos actions, tout ce qu'on fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Sauf que, comme le cheikh il dit ici, toute chose est créée par Allah. Et lorsqu'il veut quelque chose, il le crée, il le fait exister. Donc tout ce qui existe est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'action, elle, c'est l'action de la créature. C'est la création d'Allah, mais c'est l'action de la créature. Ça, c'est important de le comprendre. C'est la création d'Allah, mais c'est l'action de la créature. Beaucoup de gens, ils ont dévié parce qu'ils n'ont pas compris c'est la différence entre les deux. Ok? Si on dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme, et c'est lui qui a créé en l'homme l'action de manger. Mais c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui mange, c'est la créature qui mange. Il faut faire la différence entre les deux. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé nos actions, mais c'est nous-mêmes qui faisons nos actions. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a créées, ses actions. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé et ce que vous faites. Hein? C'est mentionné dans le Coran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Donc, ces degrés-là, ces quatre degrés, c'est très important de les comprendre comme il faut et d'y croire. وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا بالقدر مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد كل هذه لا بد من الإيمان بها فمن جحد شيئا منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. Donc, le cheikh il explique que la foi en ces quatre piliers-là, ces quatre degrés-là plutôt, ces quatre degrés de qadar, c'est nécessaire. Chacun doit croire en ces quatre degrés-là, sinon il n'est pas croyant. Il n'a pas cru en al-qadar. Le degré de la science, le degré de l'écriture, le degré de la volonté et le degré de la création. Ces quatre degrés-là sont nécessaire et obligatoire. Quiconque nie d'entre ces degrés-là un seul, il n'est pas musulman, il est kafir, il a apostasié la religion de l'islam. Il a apostasié la religion de l'islam parce qu'il a renié un pilier d'entre les piliers de la foi. Et c'est le pilier de Al-Qadar. Et la foi à Al-Qadar, hein, parce que le cheikh il a terminé donc de parler de ça, mais Al-Qadar, c'est le mystère d'Allah. C'est le mystère d'Allah. Comme les salafs ont dit. Al-Qadaru Sirrullah. Hein? Il ne faut pas donc essayer de rentrer trop profondément dans ce mystère. Tu risques de t'égarer complètement. Donc, si tu veux comprendre le Qadar, tu te limites au texte du Coran et de la Sunna. Et tu ne dépasses pas ce que Allah et son messager ont dit à propos du Qadar. Si tu restes dans les limites de qu'est-ce que Allah et son messager ont dit au sujet du qadar, tu ne vas pas t'égarer. Mais si tu commences à essayer de comprendre le qadar par ta propre logique et de parler de ça seulement en te basant sur ta raison, comme les philosophes kuffar, hein, ou les philosophes soi-disant islamiques, parce qu'il y a des gens qui ont imité les philosophes kuffar, et on leur a donné le surnom philosophe islamique. Hein, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La seule chose qu'ils ont fait, c'est traduire les livres des Grecs en arabe. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traduit les livres des Grecs en arabe. Et comme Cheikh Mohammed Aman al-Jami l'a dit, il dit, il n'y a pas de différence entre les philosophes grecs et les philosophes musulmans ou islamiques, excepté la nationalité ou l'origine, l'ethnie. C'est ça la seule différence. Sinon, ils n'ont rien à voir avec l'islam tous les deux. Hein? Ça, c'est très important de comprendre ça. Que ce soit Ibn Sina, hein? Ibn Sina ou Al-Farabi, hein? Ou des gens comme ça. Parce que il y a plein d'écoles et de centres qui s'ouvrent un peu partout et ils appellent ces centres islamiques ou ces écoles musulmanes Ibn Sina, l'école Ibn Sina. Hein? Il y a plein d'ulama qui ont mentionné que de donner ce nom-là aux écoles musulmanes, c'est haram. Parce que Ibn Sina, c'est un mulhid, c'est un kafir, il était connu comme étant un athée, un mécréant, croyant à Allah. Il faisait partie d'une secte qu'on appelle les Qaramita. Al-Qaramita. Et ça, c'est une secte ésotérique qui se prétend chiite pour se camoufler, mais qui est plus mécréante encore que la croyance des Shia, hein, Rafida. Donc, c'est des hérétiques complètement égarés. Et ça, beaucoup de musulmans, ils l'ignorent, ils ne savent pas ça. Parce qu'ils ne connaissent pas les Qaramita, ils ne savent pas c'est quoi les Qaramita. Et les Ismaïliyas ne savent pas c'est quoi les Ismaïlites et c'est quoi leur aqida, c'est quoi leur croyance. Ils ne savent pas ça. Donc eux ils entendent Ibn Sina qu'il a fait des grandes choses dans la médecine et dans la connaissance de la médecine. Oui, c'est vrai, il a fait des grandes choses dans la médecine et il a eu beaucoup de connaissances. C'est lui, on peut dire, qui a développé la médecine moderne et tout ce que l'Occident aujourd'hui possède de la science de la médecine, c'est lui qui l'a ramené. Et c'est, ils ont pris de lui. Ça, c'est pour la médecine. Mais quand c'est les questions de religion, il n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il ne faut pas mélanger les choses, présenter Ibn Sina comme si c'était un savant de l'islam, ou comme s'il avait un lien avec l'islam. Il n'a aucun lien avec l'islam. Pour la médecine, c'est la médecine. Hein? La médecine, tu peux la prendre d'un juif, tu peux la prendre d'un chrétien, tu peux la prendre d'un athée, tu peux la prendre de n'importe qui, ça c'est un domaine de la dunya. Hein? Si c'est des choses de la dunya, tu le prends de n'importe qui, hein? Dans des choses de la dunya. Mais quand c'est question de din, tu ne vas pas la prendre d'un kafir, tu ne vas pas la prendre d'un mulhid, tu ne vas pas la prendre d'un qirmiti ou bien d'un autre égaré parmi les gens de l'égarement. Puis tu ne vas pas donner son nom à une école ou à une mosquée pour l'honorer, ou à un centre islamique ou des choses de ce genre, hein? Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a parlé de ça. Cheikh Al-Fawzan, il a parlé de ça. Et d'autres également parmi les shuyukh, ils ont mentionné ces choses-là. Et Ibn Taymiyyah, il a une fatwa, même, il a parlé d'Ibn Sina dans Majmu' Fatawa, il a mentionné que c'est des hérétiques. Et Al-Farabi, c'était son élève, c'est la même chose. Hein? Donc il ne faut pas élever des philosophes au niveau des ulama de l'islam. Et souvent, les kuffars, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils élèvent ces gens-là aux yeux des musulmans. Et donc les musulmans qui ont un complexe d'infériorité envers l'Occident, quand ils voient les koufas de l'Occident élever ces individus-là, ils prennent une sorte de fierté chez ces individus-là. Ils disent, regardez, les Occidentaux, ils respectent ces gens-là de notre culture, de notre civilisation. Donc il faut nous aussi les prendre et les mettre comme des modèles pour que les koufars voient que nous aussi on a fait quelque chose dans les domaines scientifiques et dans les trucs de ce genre. Hein? C'est un jeu psychologique que les koufars jouent avec les musulmans pour les éloigner de leur vraie référence dans les questions de leur religion. Et donc il ne faut pas se laisser jouer dans ce genre de jeu-là, puis se laisser égarer dans ce genre d'égarement-là. Donc, il faut comprendre que le qadar aussi c'est relié au tawhid directement. Il y a un lien intrinsèque entre le tawhid et le qadar. Parce que le qadar c'est le qudratullah. Qadar, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est sa prédestination, et c'est sa volonté, hein, et c'est sa science. Donc, celui qui n'a pas cru en Al-Qadar comme il faut, il a un problème dans son tawhid, automatiquement. Son tawhid, il n'est pas correct. Il y a un lien direct entre le Qadar et le tawhid. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre aussi. Naam. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puisqu'on a fait déjà un bon bout. Ou bien sinon, la prière, c'est à 7h. La prière, c'est à 7h et 7h16. Ok, donc on a le temps encore de juste terminer juste les deux preuves que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionnées pour expliquer les preuves de ces cinq piliers-là dans le Coran, de ces six piliers de la foi dans le Coran. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné les preuves de ces piliers-là. Parmi les preuves qu'il a mentionnées, il a mentionné le verset dans Surat al-Baqarah. Il dit والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc là, il a mentionné un verset dans lequel on mentionne les cinq premiers piliers de la foi. C'est le verset 177 dans Surat al-Baqarah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la bonté ne consiste pas à tourner votre visage vers l'Orient ou vers l'Occident, mais la piété ou la bonté plutôt, la bonté consiste à croire en Allah, au jour dernier, en les anges, en les livres et en les prophètes. Donc ça, c'est la mention des cinq premiers piliers, la foi en Allah, au jour dernier, les anges, les livres et les prophètes. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ça, il dit ولما ذكر الشيخ هذه الأركان ذكر دليلها من القرآن ومن السنة لأن أي شيء من أمور الدين والعبادة والعقيدة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل وإن لم يكن له دليل لم يكن صحيحا. لما ذكر الشيخ أركان الإيمان الستة ذكر دليلها من القرآن أولا ثم من السنة. فمن القرآن قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsque le cheikh il a mentionné les piliers, il a mentionné sa preuve dans le Coran et dans la Sunna. Pourquoi? Parce que chaque chose de la religion, chaque question qui a rapport avec l'adoration et la aqida ou les règles de la sharia en général, il faut qu'elles aient une preuve. Il faut qu'elles aient une preuve, un dalil en arabe. La preuve en arabe, c'est dalil. Et c'est bien important de connaître le mot dalil, parce que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose dans la religion, vous lui dites ayna dalil, où est-ce qu'il est le dalil, où est-ce qu'il est la preuve, hein? Ça, c'est très important. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos de lorsqu'on demande des choses aux gens du livre, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, donnez votre preuve si vous dites la vérité. Toujours demander le dalil, la preuve, hein? Et on a le droit de demander la preuve, et c'est pas un manque de respect que de demander la preuve. Ça, c'est très important. Et si il n'y a pas de dalil, alors cette chose n'est pas exacte, elle n'est pas correcte, elle n'est pas vraie. Et c'est pour ça que le cheikh, après avoir mentionné les piliers, il a mentionné sa preuve dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les preuves du Coran, il y a le verset qu'on a mentionné, 177. Il dit Al-Bir huwa fi'lul khayr alladhi yuqarribu min Allah wa yusilu ila jannatihi. Fa kullu af'alil khayr hiya min al-bir. Fal-bir lafdhun 'ammun yajma'u jami'a anwa' al-khayr wa anwa' at-ta'at kulluha dakhilatun tahta musamma al-bir wa tahta musamma at-taqwa. Et non, barakallahu fik. Donc, al-bir, c'est quoi? C'est la bonté. Al-bir, c'est la bonté et toute action de bien qui rapproche d'Allah et qui ramène à son paradis. Donc, toutes les actions de bien que tu fais, ça rentre dans le mot bir. Al-bir. Et donc, le mot bir, c'est un mot général qui englobe tout ce que tu peux faire parmi les différentes catégories de biens. toutes les formes d'obéissance à Allah rentrent dans le terme birr et aussi dans le terme taqwa. فالبر والتقوى من الأسماء العامة التي تجمع كل خصال الخير. قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة, واستنكروا هذا وجحدوه مع العلم أنهم يعلمون أنه حق, ولكن جحدوه من باب العناد والمكابرة والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. يقول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات من غير أمر من الله, ولكن البر طاعة الله سبحانه وتعالى, ولكن البر طاعة الله, إذا أمركم بأمر وجب عليكم امتثال امتثاله, وهذا هو البر. فإذا أمركم باستقبال بيت المقدس فالبر في ذاك الوقت هو استقبال بيت المقدس لأنه طاعة لله, ثم إذا أمركم أن تستقبلوا الكعبة فالبر هو استقبال الكعبة, فالبر يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que la bonté et la piété sont des noms généraux qui comprennent ou qui réunissent toutes les caractéristiques du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit la bonté ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident, ça c'est pour répondre aux Juifs. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, il dit ça pour répondre aux Juifs qui ont dénoncé ou rejeté le fait qu'on change la direction dans laquelle on se tourne pour faire la prière. Lorsque les gens priaient au début de l'islam, ils priaient vers Baytul Maqdis. Puis, c'est-à-dire, ils priaient vers le nord. Ils priaient vers le nord, vers la Palestine, lorsqu'ils étaient à Médine. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de changer de 180 degrés la Qibla. Donc là, ils priaient vers Baytul Maqdis. Là, ils devaient se tourner 180 degrés, prier vers Al-Kaaba. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala change la Qibla, justement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé par la suite. Parce qu'il dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a exaucé la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il doit se tourner vers la Kaaba, hein, qu'il va maintenant se tourner vers la Kaaba. Donc là, les Juifs ont renié ça quand les musulmans ont changé la Qibla. Ils ont prié vers Al-Kaaba, ils n'ont pas aimé ça, ils ont renié ça, ils ont dit, hein, ils ont dit nous on n'accepte pas ce changement-là de Qibla. Ils étaient contents au début parce que on était, hein, dans la même direction qu'eux pour la prière. Donc ils étaient satisfaits. Mais quand on a tourné vers la Kaaba, et parce que Allah a ordonné qu'on se tourne vers la Kaaba, là ils ont rejeté ça, ils ont renié ça et ils l'ont refusé par orgueil et par jalousie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour cette umma. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc dans ce verset, la bonté ne consiste pas à tourner vos visages de telle ou telle direction, dans telle ou telle direction, sans que ce soit par le commandement d'Allah. Hein? Mais la bonté c'est quoi? C'est l'obéissance d'Allah. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de faire quelque chose, vous devez le mettre en application. S'il vous dit tournez-vous vers la Bayt al-Maqdis, on se tourne vers Bayt al-Maqdis. S'il nous dit tournez-vous vers la Kaaba, on se tourne vers la Kaaba. C'est ça la bonté. C'est ça que ça signifie. Donc s'il vous ordonne de vous tourner vers le Bayt al-Maqdis, vous le faites. S'il vous ordonne, donc à cette époque-là, à ce moment-là, de se tourner vers Bayt al-Maqdis, ça faisait partie de Al-Birr, hein, parce que c'était une obéissance d'Allah à ce moment-là. Puis, lorsqu'il nous a ordonné de se tourner vers la Kaaba, Al-Birr, c'était quoi? La bonté, c'était quoi? C'était de se tourner vers la Kaaba maintenant. Donc, la Birr, Al-Birr, la bonté, elle suit le commandement et l'ordre d'Allah. Elle va là où le commandement d'Allah l'amène. C'est ça que ça signifie. Le cheikh il dit « Wa antum abidun yajibu alaykum l'imtithal » هذا أمر إذا أمركم الله أن تستقبلوا جهة من الجهات وجب عليكم الامتثال أما أن تتعصبوا لجهة معينة وتقولوا لا يصح إلا استقبالها إلا استقبالها فهذا معناه اتباع الهوى والعصبية. Donc vous êtes des esclaves, des serviteurs d'Allah. Vous devez juste mettre en application ses ordres. Hein? Et si Allah vous ordonne donc de vous tourner dans une direction quelconque, il vous est obligatoire pour de mettre en application cet ordre. Et vous ne devez pas rester accroché à votre position ou direction précédente ou dans une autre direction en disant par exemple non, de prier dans cette direction-là c'est pas correct, parce que ça signifierait que vous suivez uniquement votre passion, hein, et vous, hein, vous suivez les choses, yani, par fierté ou par appartenance, yani, par fanatisme. Et là, donc, ensuite, le cheikh il dit, والعبد الصادق يدور مع أوامر الله حيث دارت ولا يتعرض على أمر الله لأن استقبال جهة من بعد لأن استقبال جهة بعد نسخ استقبالها لا يجوز لا يكون طاعة لله عز وجل فالعمل بالمنسوخ ترك وترك الناسخ ليس طاعة لله إنما هو طاعة للهوى والعصبية فالبر متعلق بطاعة الله فحيث وجهك تتوجه إن كنت محقا في عبوديتك لله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. Donc le serviteur il doit suivre les ordres d'Allah là où ces ordres là l'amènent, et il ne doit pas s'objecter à l'ordre d'Allah parce que dans le fait de parce que comme le cheikh il explique, c'est que quand tu te tournes vers la direction dans laquelle Allah t'ordonne de te tourner, ça c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La direction précédente, elle a été abrogée. Donc tu peux plus maintenant dire je vais adorer Allah dans cette direction-là, parce que ça a été abrogé maintenant. Hein? Et d'agir selon ce qui a été abrogé et d'abandonner ce qui est venu abroger ou l'abrogeant, ce n'est pas une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si quelqu'un disait moi je vais adorer Allah par la charia de Moussa alayhi salam. La charia de Moussa elle a été abrogée. Tu ne peux plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette charia là. Maintenant tu dois adorer par celle qui est venue abroger. La charia de Moussa c'est la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un exemple. Sinon tu suis uniquement ta passion. Donc, la bonté, c'est de s'accrocher à l'obéissance d'Allah et de te tourner vers la direction dans laquelle il t'ordonne de te tourner si réellement tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit « وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ » Et le cheikh, il a mentionné la preuve du qadar dans un autre verset, c'est le sixième pilier de la foi, c'est le verset 49 dans Surat al-Qamar. La preuve du qadar, c'est le verset 49 dans Surat al-Qamar, la lune. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et chaque chose, nous l'avons créée dans une mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Et le cheikh, il explique à ce sujet-là, ودليل الركن السادس من أركان الإيمان قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أي كل شيء خلقه الله فإنه مقدر في علمه وكتابته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وليس هو عفويا أو صدفيا وإنما هو أمر سابق في علم الله ومكتوب في اللوح المحفوظ وسابق في مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. Donc il explique que le sixième, la preuve du sixième pilier, c'est le verset qu'on a mentionné dans Surat Al-Qamar, que toute chose, certes, nous l'avons créée dans une juste mesure. Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé selon une mesure, hein, dans sa science. Il a écrit cette chose, il a voulu, hein, et également il l'a créé. Donc tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé, et selon les quatre degrés qu'on a mentionnés: l'ilm, le kitaba, le mashi'a, hein, wa al-khalq. Et les choses ne viennent pas par hasard, ou bien yani, comme les kuffar ils disent, par un big bang ou des choses comme ça. Le monde n'a pas été créé par hasard ou par une explosion. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé selon sa volonté et selon sa prédestination. Et c'est quelque chose qui a été précédé par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a été écrit dans les tables préservées, hein, et qui a été précédé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc on va terminer avec ça aujourd'hui, et on continuera inshallah au prochain cours bi'iznillah le degré de l'ihsan, l'autre degré de la religion, qui est le degré de l'ihsan, qui est le perfectionnement de la foi. Donc on va s'arrêter ici, puis on va lire quelques fatwas inshallah avant la salat. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.